Ah, pardon. Thank you. Thank you. que j'aurai le temps. Oui, je te rappelle que depuis un moment, oui, je te rappelle, je n'ai pas un instant. Oui, je te rappelle que depuis un moment, je te rappelle, je n'ai pas un instant. Que je te rappelle, il n'y a pas un instant sans que tu me rappelles. À quel moment